Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens, quand ils ont des besoins, l'infrastructure physique autour d'eux, que ce soit les boutiques, les malls, elle est assez peu développée. Donc, il y a plus de demande en fait de produits et de services que d'offres. Et en fait, Internet, c'est un moyen qui est partout et qui est présent dans les téléphones de chacun pour justement accéder à ces services. Et donc, nous, on constate depuis quelques années que, bah, avec la pénétration des smartphones à bas prix, par exemple, maintenant, un smartphone, ça coûte moins de 100 euros. Ça permet à tout le monde qui a besoin d'accéder à Internet de se connecter et justement d'apporter des réponses à des besoins de tous les jours. Les problématiques sont globalement quand même assez similaires avec dans beaucoup de pays d'Afrique, une problématique avec la bande passante, le prix de la data. Donc ça, c'est un peu des problématiques qui sont partagées. Tout ce qui est la musique, le cinéma, il y a des plateformes de streaming africaines. Nous, par exemple, on est un site de e-commerce, de réservation d'hôtels 100% africains. Les grands acteurs chinois ou américains ne sont pas présents. Il y a des opérateurs de télécommunications qui sont 100% africains. Donc je pense que c'est là et c'est en train d'émerger. Nous, on est présent dans 23 pays en Afrique, et donc dans chaque pays, on a effectivement bah, d'une part des problèmes qui sont communs et qui sont propres à l'Afrique. Donc par exemple, les gens qui ont des problèmes de confiance veulent voir le produit avant de payer. Donc vous réservez un hôtel en ligne, vous payez quand vous arrivez à l'hôtel, vous commandez une pizza, vous payez quand vous recevez la pizza, vous commandez un t-shirt ou un frigo sur Internet, vous payez quand vous le voyez. Et donc ça, c'est propre à l'Afrique et c'est vrai partout. Mais après, dans chaque pays, il y a des particularités. La mode n'est pas la même au Kenya qu'au Nigeria et les gens n'achètent pas les mêmes produits. Le type de cuisine que les gens commandent en ligne n'est pas le même d'un pays à l'autre. Les types d'hôtels dans lesquels les gens vont ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc, il y a effectivement dans chaque pays des habitudes de consommation qui sont différentes et sur lesquelles il faut être présent sur place pour y répondre.